La voix déchue est une béance, une cicatrice encore ouverte qui suinte parfois du monde au cœur de la forêt. Elle court sur son corps, le veine liant moutarde, métro. Axe en vengeance. Et même au-delà, hors des terres franques. Pour ceux qui ne sont pas englués sur cette sente d'un autre âge, du temps d'avant. Pour les oiseaux et les oisons qui parcourent le monde, tels des esprits, libres de leur vol. Hors de ces voies ancrées dans le sol, la forêt ici est dense, habitée, et pourtant, comme une autre cicatrice, sur un mot, un monde presque chauve, des plaques de métal rouillées, du béton que gangrène le lichen, un lichen jeune ou maladif qui n'a pas fini sa course. Au pied du monticule, un véhicule. Un véhicule qui pétaradait quelque temps auparavant. Arborant les blasons de nations depuis longtemps oubliées. Une robe noire maculée de boue. Des sièges au cuir craquelé, des manettes de gaz usées, polies par l'usage, des pneus rendus lisses par les chemins parcourus. Et des gamins. Égrenés tels des poux, courant avide de trouvailles sur ce mont chaud. Tiens bien la pelote, petite. Ce serait pas le moment de perdre à nouveau notre copain Boule d'Or parce que il est prompt à se paumer et moi il faut que je garde mon crosset parce qu'on en aura besoin pour repartir. Hein? Donc, trouver de quoi? Est-ce qu'on confie la pelote et Boule d'Or? Merci. Thank you. Pourquoi nous devrions tenir une plotte? Bah, sinon, Bulldor, il va se perdre dans les broussailles. Il va encore aller farfouiller n'importe où et... On va devoir le cercer jusqu'à ce que la nuit tombe. Oui, mais... Et puis on l'a retrouvé maintenant, mais on a perdu Mélocoton. Il faudrait retrouver pour rassurer Mélocoton et puis lui rendre son frère quand même. Oui, mais on ne le retrouve pas. Alors on le retrouvera bien. Il y a des choses bizarres autant qu'étranges. Et c'est comme un aimant. Un aimant à garçon, cette histoire. Oui, mais si on le retrouve, il faudra arranger Léo juste avant ou après. Parce que j'en ai marre de le réparer toutes les 5 minutes. Parce qu'il bug. D'ailleurs, ça va ton système? Il rebug. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Il a peut-être un peu faim. Oui, mais c'est un robot. T'as pas faim? Manger. Bon, il faut que je répare la boîte vocale. J'ai pas assez de pièces. Du coup, on peut pas savoir s'il a faim ou pas. Il parle en... comme ça, quoi. En bug. Vladimir, il a dit que on trouverait Mélocoton, qu'il était parti, qu'il avait été chargé par l'encart de trouver. Qu'est-ce que tu montes, toi? Bah quoi? Parle donc. On peut pas, sa boîte vocale est cassée. Retourne-toi. Moi, je vois rien. Parle donc, te dis-je. Il peut pas. Mais si. Moi, je connais un autre sortilège. Il a même pas de nez. Faut lui faire sortir ces vers qu'il a dans le nez. Mais il en a pas. Ça fonctionne pas. Il est encore cassé. Mais c'est pas possible. Moi, je connais pas un... C'est pas un artifice. C'est mon copain. Si, pour l'instant, ça vient. Donc, regarde derrière toi, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Non, j'entends des choses. Des choses étranges qui tournent dans ma tête, comme les esprits des vieux. Comme si le vieux, il était là. Il se tenait derrière moi. Pas me retourner. Pourquoi? Parce que si je me retourne, on pourra pas repartir. J'en suis sûr. Bon, essaye de ne pas te retourner, on y va, ok? On va essayer de réparer le. On gravit la pente et puis on essaie de trouver Mélocoton dans ses ruines. Oui, mais si on le trouve pas, on va réparer l'artifice. Tiens bien la plotte. Chacun doit tenir la plotte. Hein, Bulldor? Crosser. Bon, alors tu restes bien sur le trike, hein. Tu quittes pas le trike, toi. Parce que on veut pas devoir te cercer trop longtemps. crosser. Attention, notre vie, elle tient un fil. T'as beau être un artifice, il faut que tu sois méticuleux. Qu'en penses-tu, toi ? Il faut pas qu'on coupe le fil. Parce que si on coupe le fil, c'est comme si on coupait notre vie. On sera oublié. C'est le fil du souvenir qu'on remonte. On remonte le souvenir pour retrouver la route de la ville où on pourra te réparer. Hein ? Une fois que tu seras complètement remparé, on pourra retrouver notre copain d'avant. Écoutez-moi. Vous savez que dans cette ville, il y a des choses pas très... On pourrait être en danger. Mais il le faut bien si on veut le réparer. Danger. Ok. Je sais qu'il y a du danger dans cette ville. Ne t'inquiète pas, je connais pas. Ne fais pas le retourner. Si je me retourne, je suis sûr que je pourrais pas redémarrer ma moto. Bon, on monte sur ta moto, on va vite fait dans la ville, après on cherche Néo Coco. Parce qu'il pourra mieux le trouver. Il a des outils qui lui permettent. Il trouvera pas Mélocoton dans la ville, on va se perdre sans Mélocoton. Lui, il connaît les usages de l'eau. Mais tu veux qu'on cherche où ? Dis-moi, tu veux qu'on cherche où ? Bah, il a dit, Vladimir, il a dit qu'il était parti chercher un truc du temps d'avant pour lui. Que lui, il savait comment entrer dans le silo. Il faut qu'on trouve le silo, le trou dans le sol. Oui, mais il est où ce trou dans le sol ? Dis-moi. Bah, il a dit que c'était des cercles de métal qui formaient une ronde. Fréquence radio repérée. Quelle fréquence radio ? Fréquence radio repérée. อีดีบีอีเลบีเบกโนมอยแบบไปโคตรแทบอุรกโกอันคันไอกันการมรูปอนมรูปรามอันคันไอกันการการเลยออนเทรนมรูปเราพันมรูปพันเดินมามรูชันกับอันกันเดินกับอันกันเดินการตัดมรูชัน โรมอยแบบไปคนแทบอุรุกโลอันคันไอกันการมรูปอนมรูปรำอันคันไอกันการการเลยออนเทรนมรูปรำมรูปันมรูพามเดรมามรูชันกับอันกันเดรงกับอันกันเดรงกับอันตัดมรูเจ็ด Fréquence radio. Il faut suivre les ondes que lui reçoit et on trouvera comme ça la grande ville de Little Hope. On pourra le réparer parce qu'il doit envoyer quelque chose, une balise. Ça doit être sa balise qui répond. C'est ça ? Le. Comment ça se prononce ? D. A. Bah, moi, j'ai pas d'OD. Alors, c'est pas plus de pipe, hein. Quoique, c'est de ça dont tu parles. Ceci n'est pas une pipe. Bah, qu'est-ce que c'est ? Ceci est une reproduction d'une pipe. Bah, en tout cas, ça pue pareil, hein. Comme les vieux dans la rue. On suit cette fréquence ou me souviens, moi, quand je quittais la maison pour aller chercher les tubercules quand on avait faim, on devait passer à côté d'une ésope. Y avait un vieux monsieur qui faisait des cannes. Le vieux monsieur qui faisait des cannes, ça sentait comme ça pas bon, la pipe. Très très fort. Peut-être qu'on n'est pas très loin de l'entrée de Little Hope et qu'on n'aura pas besoin de redémarrer la moto. Parce que je crois qu'on a plus beaucoup de jus de moutarde, hein. Radio. Le réservoir, il faisait beaucoup de bruit contre le ventre. Il tressautait beaucoup, hein. Je sais pas si on pourra la redémarrer au-delà du danger qui nous signale le copain artifice. Radio. Hack. Radio hack. Il est en train de se faire hacker la radio. Radio. Cao ơi ơi cao tên rầm đôi hóng ngâm hé tay cơn ca hờ Flao cao nâu ngoài trời trăng Flao cao nâu ngoài trời trăng Hé tay cơn ca ra cho co co Hé tay cơn ca ra cho co co Cao ơi ơi cao tên rầm đôi hóng ngâm hé tay cơn ca hờ Lao cơm ra môi trời trăm Lao cơm ra môi trời trăm Hèn tay cơn ca ra ra cho co co Hèn tay cơn ca ra ra cho co co. C'est un peu un chemin qu'on a perdu, comme si on avait perdu le fil de nos vies. Alors pour le reprendre, il faut que... Faut que tu te... déboutes. Pour reprendre le fil. En attendant, ce qu'on sert, c'est les cercles qui forment une ronde. Dans quelque chose, mais je me souviens plus quoi. De quoi ? Bah, les cercles qui forment une ronde dans quelque chose. Et c'est dans un grand bâtiment de béton qui est sur la colline. Mais après, je sais pas moi le code. Ça, c'est Mélocoton qui sait. Mais probablement que si on le retrouve, eh ben, on pourra agir à temps et puis on pourra le protéger parce qu'ils ont dit qu'il y avait... Le Vladimir, il a dit qu'il y avait quelqu'un de l'ARES qui était pas d'accord avec ceux qui nous envoient, hein, parce que il faut pas oublier qu'on travaille pour l'Encart, hein, parce que c'est important, hein. Bon, vite alors. Salotsar, le frère Salotsar, il sera pas content, hein, si on lui ramène pas ce qu'il a envoyé faire faire mais le coton. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'aurais pas le code par hasard, toi? Non, il pourrait pas le dire. Un cher Bill. Il met ta vie. Que tout cela manque de foi. Il m'est avis que... Le foie, c'est pas bon, hein. Et ça pue. La foie, pas le foie. Bah, ça pue quand même, hein. Non. Quand ça sent le graillon dans la rue, c'est pas bon, ça soulève le cœur. Ce n'est pas cela. On ne fait plus rien à force de toutes ces odeurs pas bonnes qui flottent dans la rue. Ça nous prend les souvenirs, ça les capte. Et puis après, on n'a plus que le bidon qui crie famine. Famine, famine, famine. Et puis on pense plus qu'à ça et puis on fait des bêtises. On vole. On tue. On fait des choses pas bien que même l'Encart il veut pas. La foi, c'est tout l'inverse du foie. Ah bon? Oui. C'est la loi qui t'empêche de tuer, qui t'empêche de voler, qui t'empêche de commettre un crime. Ce sont tes vertus et tes principes. C'est ce qui fait que je suis à l'Encart, alors. Oui. Bah, ouais, mais en même temps... Si j'étais pas à l'Encart, et ben je serais encore plus maigre, hein, parce que j'aurais rien à manger. Mais si je voulais abandonner la mission, et ben j'en ferais pas un commando pour moi. Hein. Je ferais quand même un commando. Hein. Enfin. Non. Je vois une personne. moins fin. Toujours est-il. Notre approche manque peut-être de foi, mais ce qui nous importe, plus que la foi, c'est le code. Mais... Et... Cela m'apparaît comme clair, le code étant la foi. Ce code nous dit: j'ai d'abord été dans les vieux âges, une haute montagne emplissant l'horizon. Puis, ah, mon corps aveugle et brisant ma prison, je montais d'un degré dans l'échelle des êtres. Je fus un chêne, et j'eus des autels et des prêtres, et je jetais des bruits étranges dans les airs. Puis je fus un lion, rêvant dans les déserts, parlant à la nuit sombre, avec sa voix grondante. Maintenant... Et là, sa voix s'étouffe. Enfin, le code, il est... Il est pourtant clair. C'est la porte. Bien sûr, c'est la porte. Et je parie, je parie, cher, que ce code soit en lien avec ce symbole. Tiens, toi le robot, décrypte ça. On sait que c'est le guide des âmes, mais en dehors d'être le guide des âmes. Le robot, ce qu'il va nous décrypter, c'est un truc qui va tout faire foirer. Il est tout bogué. Allemagne, qu'en dis-tu? Je sais que c'est le guide des âmes. Et... Allemagne. Et tu vois dans l'Allemagne. Puis qu'est-ce que c'est que ce mot? Pays. Un pays. Un lieu. Un lieu, ça? L'Allemagne est un lieu... Les mots sont allemands ici. Ils désignent les couleurs. Non, ils désignent les humeurs. Ils désignent les humeurs de l'âme. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce sont les couleurs en allemand. Les valeurs. Alors, ça veut dire que ça voudrait dire qu'il faudrait être dans un certain esprit pour... habité par un esprit pour pouvoir entrer dans le tunnel. Regarde, moi c'est Zinoba. Pourquoi as-tu lâché la porte? Bonne Kugel. C'est le code des humeurs. À toi de prendre la tienne. Et si l'on prend la bonne valeur, la bonne foi, la bonne humeur, eh bien, alors, on peut entrer. Choisis la tienne. Vas-y. Si dans tous ces noms, choisis-en un. Et incarne-le. En fait, c'est écrit tout petit, moi, j'arrive pas à lire. Base non. Orange, carmin, pourpre, pourpre violette, blau violette, ultramarin, cyan blau, blau grün, grune, gelb grune, gelb, et bien sûr zinnober. Crassi vaillant. Lequel? Crassi vaillant. C'est le copain Bulldor qui me l'a soufflé à l'oreille. Gelb grün. Crassi vaillant, il a dit. Mais choisis juste la couleur. Ah, et il m'a dit crassi vaillant. Vas-y, Nova. Crassi vaillant, il a dit. Montre-moi. Crassi vaillant. Pour, ou crassi vaillant si tu veux. Crassi vaillant, il a dit. À toi de choisir les tiennes. Ultramarin. Petite. Il s'agit de trouver le code. Ils vont trouver, on va rentrer. Nous sommes dans le cercle, nous sommes dans le sens. Ce doit être le code. On peut y aller. Pas d'Allemagne, pas de ces farandoles de bêtises. Non, je te l'ai dit, nous sommes... Ceci est une carte qui vient d'Allemagne. Qu'est-ce qu'elle fait là, la vieille? Quelle vieille? Je vous avais dit... Là-bas. Au-delà du sas, là, dans le couloir. Vous avez dit dans danger, fréquence, radioactif. Vous aurez dû réagir. Moi, elle va pas vite. La vieille pique, elle vous a devancé. Elle doit menacer Mélocoton. Cette zone est nucléaire. Ah, je me souviens, c'est un triangle. La ronde dans un triangle. C'est les lieux du cercle. Il y a un truc comme ça là, tout rouillé. On voit encore sous la rouille et là où le nickel n'a pas tout bougé. Bermude, triangle des Bermudes. Bah c'est pas écrit Bermuda. Hein. Voilà, on descend là. Nous sommes dans le triangle des Bermudes. Je crois que tu t'es. Activitat. On descend. C'est du Galbone. Bah, c'est écrit radioactivitat. Oui, mais c'est du Gelbrun. Et personne n'a l'humeur du Gelbrun. Moi, je suis du côté du robot. Moi, je suis. Nous sommes dans un triangle. Nous sommes tous morts. Mais non, regarde. Pas de triangle ici. Ceci est un triangle. Ceci est un triangle. Non. Ceci, c'est les humeurs. Qui c'est qui t'a fait entrer? Ce sont mes gardes. Non, ce sont les humeurs. Non, regarde. Ce sont les ouvriers qui travaillent dans le but de faire. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je raconte la vérité. Je me suis déjà dirigé ici. J'ai déjà été. Mais ma foi, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Tu n'as pas honte? Tu ne devrais même pas avoir d'humeur. Je suis un robot, je n'ai pas d'humeur. Eh bien, lâche ce fil, si tu n'as pas d'humeur. Je suis un robot. Stop ! Lâche ce fil. Tu blasphèmes. Non, c'est mon copain. Ne me touche pas, misérable humain. C'est le fil de la vie. Et il faut garder le fil pour... Alors tu arrêtes de blasphémer. Ne me touche pas, humain. Tu arrêtes de blasphémer. Bien. C'est les humeurs qui t'ont sauvé. Mais elles peuvent aussi t'enlever tout ce que tu as. Allez, lève-toi. Repentis-toi. Attention la pelote. Redonne du fil. Faut aller à la ville d'urgence. La mort, c'est ça, hein. C'est quand on oublie le fil de la vie, qu'on oublie qu'on est ensemble. Alors, il faut arrêter de se crier dessus. Il faut rester tous ensemble dans ce lieu-là. Et peut-être qu'on va pouvoir retrouver Mélocoton. Mais s'il y a la vieille, c'est sans doute un piège. Mais... Ne pas y retourner, Albert. Mon code. Oui, Barnabé. Non, Zinober. Moi, c'est Zinober. Barnabé. Non, Zinober. Barnabé. Zinober. Barnabé. Il a dit qu'il s'appelait Zinober. Écoute-le. Tu vois, même lui, il est d'accord. Voilà. Zécoute, et secours. Arrête de courir, petit homme. Comprends bien. Si je me suis énervé, c'est parce que l'on blasphème. Et lorsqu'on blasphème, tu comprends, on s'éloigne de la foi, des humeurs. Alors que, vois-tu, c'est l'humeur, c'est la foi qui nous a fait entrer ici. C'est la foi qui va nous garder, c'est la foi qui est ce lien. Bon, si vous voulez vous discuter longtemps... Ce n'est pas par plaisir de me débarrasser d'un être que je fais ça. C'est simplement pour le remettre dans le droit chemin, parce que quelquefois, la menace et la force peut s'avérer un moyen de bâtir... de refonder la vraie foi. Et que la foi, c'est notre guide. Bon. Si nous avancions un peu... Tiens. Pas. Écoute cela. Oh, ça pue vraiment. Ne casse pas. Écoute cela. Pipe. Ça vient de moi. Un soir, dans le chemin, je vis passer un homme vêtu d'un grand manteau comme un consul de Rome. Une vieille cité. Et qui me semblait noir sur la clarté des cieux. C'est là où qui vit l'antipope, celui qui a perdu les semains de la révolution. Oui. Ce passant s'arrêta, fixant sur moi ses yeux, brillants et si profonds qu'ils en étaient sauvages, et me dit : j'ai d'abord été, dans les vieux âges, une haute montagne emplissant l'horizon, puis à mon corps aveugle et brisant ma prison. Je montais d'un degré dans l'échelle des êtres, je fus un chêne et j'eus des autels et des prêtres. Et je jetais des bruits étranges dans les airs, puis je fus un lion rêvant dans les déserts, parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante. Maintenant je suis un homme et je m'appelle Dante. Et vois-tu, Dante s'est élevé par la foi. Alors, à toi d'abandonner ton vice, à toi d'abandonner ton blasphème, à toi d'abandonner ta lâcheté, car lâcheté est l'être mort. Je désaccrasser tous mes mauvais mots. Eh bien, crache encore, car il en reste peut-être. Bah non, je vais crasser tous les mots que je connaissais dans le repère du Vorgue. J'ai tout vomi de peur. De trouille. De trouille. de peur de l'acheter. Tu vois, tu t'es exorcisé dans le vice. Il faut le faire dans la vertu. Je suis pas un Christi, moi. Ne pas être un Christi, c'est être un éveillé. Comprends-le. Bah non, les Christi, c'est ceux qui font qui disent que des mots sales pour être sûr de trouver les bons mots. Enfin, la foi m'a délivré un message. Et toi, le robot, toi, l'artifice, je pense que tu peux connaître. La formule du chemin. Bỏ bạc mày cằn. Chàng ơi có cằn, cặp cờ tông nào mô ba kẹp lại. Kẻ nhôm tay bơ, ở trăng bò cành. Lại bơ, đẹp tàn hôn căng. Chàng ơi có cằn, cặp cờ tông nào mô ba kẹp lại. Kẻ nhôm tay bơ, ở trăng bò cành. Blind ball, t'as comme volcan. Viens là, petit. Viens là, tu dis. Ah, mais c'est qu'il est donc têtu, celui-là. Allez, viens donc t'assire. À qui parles-tu? Ah, c'est toi, te dis-je. Qui es-tu? Mais tu reconnais pas Mémé. Et il continue de tenir la corde, mais il la lâche un peu. Allez, viens, lâche là, cette corde. Approche de la bonne pile, tu sauras alors où est ton chemin, petit. Arrêtez, vous allez casser la corde. Ah, mais il va éveiller plus sec, celui-là. N'entends-tu pas que tes pas résonnent partout, autour? Arrête ou j'utilise ma monolame. T'as-t-il pas vu que c'était tout rouillé? Que ce lieu est ancien. Et le respecter, il faut. Si, si, si. Respecter les hors-là. Pas les hors-là. Mais le temps et les hommes qui sont passés avant toi. Je ne vais pas avec les hors-là. Personne ne va avec les hors-là. Et ils ne s'approchent pas de la pile. Elle est bien trop dangereuse pour eux-mêmes. Ils ne peuvent lâcher cette corde. Lâchez cette corde, je vous dis. Mais c'est le fil même de la vie, mon petit. Alors arrêtez de tirer dessus. Je ne tire pas. Ou si je tire, la bobillette chera. Veux-tu que j'utilise ma monolame sur toi? Ne va pas couper la pelote, c'est ce qui nous relie, c'est notre vie. Tu es sûr, si je coupe ce bout, c'est toi qui tomberas, ce sera pas nous. Oh, je ne tomberai bien. Pas loin. Regarde, je suis sur ce vieux tabouret, adossé près de la pile, et seul moi, par mon pouvoir de babouchka, je peux rester près de la pile. Éloigne-toi, la verseuse. Mais je ne suis pas la verseuse, te dis-je. On a compris. Tu ne reconnais pas Mémé, babouchka. Je ne t'ai jamais... Bien, mon petit. Mais ne brise pas la corde, sinon tu perdras tes amis. Ne brise pas le fil de ta vie. Il faut que tu honores ton contrat. Toi, lâche-le. Moi, je ne lâche pas le fil de la vie. Je m'y consacre depuis des éons maintenant. J'ai vu tous les jeunes présomptueux se succéder au pied de la pile, y chercher la science enfouie pour la répandre par les voies déchues. Mais leur sort était scellé avant même qu'ils ne franchissent le seuil rouillé. Peut-être que j'ai travaillé ici, mais j'ai été renvoyé. Dans le silo, donc là, repose un de ces missiles que l'encarte a mandé d'apporter. Et je concède, mon petit, que tu peux le prendre. Je ne suis pas un humain. Mon bon plaisir. Mais le compton a failli. Ses yeux ont cuit lentement auprès de la pile lorsqu'il s'est agi de s'emparer du missile. Mais toi, tu ne failliras pas parce que tu es un artifice. Toi, tu peux t'approcher de la pile. Je suis qu'est-ce pas pour ton... toi les je souvenirs ne suis pas ton soldat. Que sont pour toi tes souvenirs? Je ce n'en sont ai pas. Ceux que t'ont donné tes créateurs, petite créature. Tu n'es pas mon créateur. Éloigne-toi. Je ne suis pas ton créateur, mais... Tu vas pas me donner d'ordre. Éloigne-toi, repoussante créature. Je te permets, petit artifice, d'honorer ton contrat auprès de l'encart. Xavier, arrête de tirer. Les choses sont passées. Arrêtez de tirer. Je ne tire pas. Arrêtez de maganer ce fil. File le fil de la vie. On ne le file pas. La foi proscrit cet abus. Ce n'est pas un abus. En filant ainsi ma pelote, je vous réunis tous. Mais lui seul, l'artifice peut s'approcher. Lui seul. Lâchez cette corde, vous dis-je. Apporter ce que l'encart veut. C'est derrière cette porte, au-delà de la pile. Tu vois, petit. C'est toi qui l'as cassé. Tu tomberas. J'ai mon écheveau, tout prêt, pour de nouvelles vies, toutes neuves, lorsque tu auras pris ce qui dors dans le silo. Ah, mon petit, passe la porte et prends ce qui t'est dû. C'est dans une vieille caisse de bois frappée des lettres. Éloigne-toi, créature. Oh, mais passe, je t'en prie. Veux-tu dater de ma monolame? Dater? Je suis déjà daté, et ta monolame ne me fera rien. Pourquoi, d'après toi, jeune artifice? Parce que dans ton programme, il est dit que tu dois protéger et servir. Je ne te menace en rien, petit artifice. Si je t'ouvre la porte. Je t'ai analysé. Tu menaces sa foi, c'est déjà bien assez. Je la renforce puisque je lui permets d'accomplir ce pourquoi il a été envoyé ici. Je n'ai pas ce code. Passe la porte, longe la pile, contourne le sarcophage et tu trouveras dans une vieille caisse frappée des lettres. C'est c'est... Tu ne me donnes pas d'ordre. Paix. Compris ? Ce que l'Encart t'a envoyé chercher. Je ne me fierai pas à vos ordres. Copain, mais t'as vu que c'est ce qu'ils nous ont envoyé chercher. Alors, tant pis pour mes longs cotons, mais il faut aller récupérer. Tais-toi, petit homme. Mais je suis ton copain. Pourquoi tu me parles comme ça, moi? C'est, ça te vaut pas de mal. Tu es en train de m'inciter à aller dans leur truc. Tu ne sais donc pas ce qu'il y a. Mais toi, tu peux. C'est ce qu'elle a dit, la vieille bique. Elle a dit, la vieille bique, que toi, tu pouvais. Tu ne reconnais donc pas la verseuse? Bah, c'est pas la verseuse. Elle a dit, elle s'appelle Baba Yaga. Tu ne sais donc pas qui c'est? Bah, la verseuse, elle a un grand balai. Elle a pas de balai. Elle est toute vieille et toute ridée, comme la verseuse, mais elle est différente. Elle peut l'avoir déposée? Elle sent le vieux, comme elle, comme la pipe. Mais elle est différente, hein. Elle peut prendre d'autres apparences, je te signale. Elle nous a bien eu plusieurs fois d'affilée. Comme tu veux, mais en tout cas, elle a dit que nous, on pouvait pas passer la porte toute rouge. Alors n'y allons pas, si mais que toi, tu pouvais. Et puis, il faut bien qu'on revienne avec quelque chose, parce que sinon... si on remplit pas notre mission, et ben l'Encart il voudra plus de nous, hein. Et adieu Berthe, tu pourras pas te faire réparer, hein. Parce que bon, si tu tiens tellement, j'y vais. Si elle est couronnée de succès, et ben on aura tous des sucettes. Et en plus, toi t'auras un nouveau bras tout neuf. D'ailleurs, il vient de tomber. Bah justement, avant que t'en aies plus du tout. Tiens. Un fistol. Il y a de la plotte bien solide. Hop, the rafistol. Tu regrettes de dire ça. Maintenant, t'es tout réparé. Qu'il est beau. Et maintenant que t'es tout remparé pour... Maintenant que t'es tout remparé, eh ben, tu peux aller chercher la caisse qu'elle t'a dite. Danger. Il y a un danger. Je n'arrive plus à bouger, tu m'as emmêlé dans la ficelle. Reste! Moi, je suis juste devant toi! ta foi pour la vioque. Je ne l'ai pas ouverte. Je vais juste lui balancer dessus. Non, mais tu vas meurtrir ta foi. Non. Protéger et servir, petit artifice. Ce n'est pas mon devoir. Mon devoir était de construire, protéger, mais... Concepteur, et pas vous. Oh, mais ma vie n'a peu d'importance maintenant que la caisse est en route pour l'encart. Et ces résurgences de ce qu'a apporté la révolution. Allez, mon bon, tu peux t'en aller. Écoute. Tu as ma bénédiction. Ta bénédiction, tu veux dire ta malédiction? Qu'est-ce que je disais? Voilà. Écoute donc. Tant de soupirs, de pleurs, de... Tais-toi! Non. Non, je ne tairai pas la foi. Je ne tairai pas la foi qui... La foi que tu trahis. Tu trahis la foi, tu tues. C'est toi qui as fait ça. Non. Si, si. Papa, j'avais déjà. J'étais déjà dans la salle. C'est là. Non, bref. Déjà, tu vas pas m'engueuler sur la mécanique alors que tu coupes fréquemment les autres. Ah, mais. Donc, tu vas me laisser jouer. Comme tu le dis, c'est bien. Je joue mon personnage. Donc, tu as trahi la foi, tu as trahi ton humeur. Ce n'était pas des humeurs, c'était juste des couleurs. Tu es passé dans le cercle des mondes. Regarde, tous ces endroits où il ne réside plus rien, tous ces endroits où l'humeur s'est enfuie, c'est tous les endroits où les péchés se sont proscrits. Est-ce que tu m'as vu tenir la corde? Écoute donc ce qui t'attend. Tant de soupirs, de pleurs, de mots sonnaient dans l'air privé d'étoiles que je me mis à sangloter. Mille langues d'affreux patois, cris de douleurs et de colère, claquements, hurlements, murmures, tintamarres tourbillonnant dans une brume sans couleur comme le sable sous le vent. J'avais l'esprit bouleversé. Maître, dis-je, quels sont ces bruits? Qui sont ces gens au désespoir? Il m'expliqua, ce sont misères qu'expriment les âmes de ceux qui ne furent bons ni mauvais. Ils sont mêlés au mauvais cœur des anges, ni rebelles ni fidèles à Dieu, égoïstes. Les dieux n'en veulent pas, trop beaux pour être accueillis en enfer, car les damnés s'en vanteraient. Mais toi, toi, toi qui tues, toi qui n'apportes aucune vous attention. Avez enfin compris. Toi qui n'apportes aucune attention aux humeurs, toi qui blasphèmes, toi, tu es pire que ces damnés. Tu es de ceux-là qui ne devraient même plus peupler ce monde. Attends, je cherche. Voilà ce que dans mes pérégrinations j'entendis. Voilà ce que tu mérites. Je descendis du premier cercle, dans le deuxième, au moindre lieu. Plus de douleur était enclose. Minos, horrible et grimaçant, juge à l'entrée. Écoute, parce tous les pêcheurs. Du cercle. Et puis les vieux, ils avaient dit que c'était le cercle, et le frère, il avait dit qu'il fallait aller dans le cercle. Et tu crois que le cercle il va t'accepter? Bien sûr qu'il accepte. Même en commettant crime, même en commettant péché, on peut revenir dans le cercle. C'est en blasphémant sans cesse, en arrêtant de croire que... Je n'ai jamais été dans ce cercle. C'est toi qui a cru que j'y étais. Je n'ai jamais tenu la corde. Eh bien, soit. Meurs. Je ne suis pas vivant. Non. Bienvenue en enfer. Laisse-moi continuer. J'y étais déjà. Laisse-moi continuer. Impudent. Minos, horrible et grimaçant, juge à l'entrée tous les pécheurs comme toi. En les prenant dans ses volutes, je dis que les âmes mal nées doivent se confesser à lui. Et cet expert des péchés sait le lieu de l'enfer qui leur va, tout en formant des ronds de queue, autant qu'il faut pour leurs péchés. Devant lui, une foule attend, chacun son tour et son jugement, aveu, sentant ses tourbillons. Toi qui viens au cuisant hospice, me dit Minos en me voyant, et laissant son affreux office, veille à franchir la bonne porte. Il est aisé de se tromper. Mon guide alors, pourquoi ce cri ? Ne t'oppose pas à son destin, on veut ainsi, là où on peut, ce qui se veut, plus de questions. J'entendis le chant des douleurs qui, peu à peu, montait en moi. Ses pleurs bruyants m'épouvantaient. Le lieu était privé de jour, tout comme ton âme. Il mugissait comme une mer, dans la tempête et sous les vents. La bourrasque infernale entraîne les esprits dans une fureur qui les malmène et les culbute. Parvenu au dernier désastre, ils hurlent, pleurent et gémissent en maudissant la sainteté. Je compris que ce châtiment touchait les pécheurs de la chair qui étouffent l'entendement, comme à coups d'aile les oiseaux volent par bandes dans le froid. Les mauvais esprits sont conduits de ça, de là, par la tourmente, sans espoir de consolation, de repos ou de moindre peine. Voilà ce qui veux-tu t'attend. Veux-tu que je retire mon armure ? Ma méca, je n'ai jamais été un artifice. Je me fiche bien de connaître l'œuvre de la nanumeur. L'œuvre du suppôt. Je m'en fiche bien de voir en tes traits celui du traître, du parjure, de l'assassin. Ton sort est déjà scellé. Tu as lâché le fil ? Tu as lâché la vie. Je ne l'ai jamais tenu. Tu l'as tenu, pourtant, pour le retirer aux mains de la vieille. Oui, car je ne suis pas une âme. Eh bien voilà, tes contradictions sont avouées. Regarde, tu mens plus que tu ne respires. Non, je dis la vérité. Bah, un artifice, ça respire pas. Exactement. Tu viens de dire il y a quelques minutes, petit persifleur, que tu n'étais pas un artifice. Je ne suis ni un artifice et à la fois ni une âme. Je n'existe pas. Tu parles au mur là, tu sais. C'est toi-même qui te parles. Non. Car. Et je veux que le petit persifleur qui m'écoute se taise enfin. Donc tu veux que tu taises ? Silence ! Non. Thank you. un trike hors d'âge, d'un noir de suie, couvert de boue, brillant par ses seules inscriptions frappées au sceau de la Révolution. Sur sa face, le phare qui peine à percer l'obscurité que dispense la forêt, le petit groupe progresse chaotique sur la voie des déchus, à demi envahi d'ores et déjà par la végétation. Une portion où hommes et bêtes circulent peu, peu fréquemment. Un lieu d'hostilité, un lieu désert, comme absent au monde, monde des hommes. Et pourtant le petit groupe chaotique sur le trike qui pétarade, avance vaille que vaille. Les portes, eux et leur précieuse cargaison, la grande caisse posée en travers et servant d'extension au siège pour la petite bande. La route sinueuse s'enfonce toujours plus profondément dans le bois pour rejoindre un relais à un carrefour célèbre dans toutes les terres franques. Un carrefour où règne l'étrangeté des hommes sur une grande étendue gagnée sur la forêt, la gangrène qui se répand sur la terre. D'autres véhicules hors d'âge sont remisés. Plusieurs camions qui n'ont rien à envier à ceux qu'employaient autrefois les seigneurs plus à l'est. Abîmés dans ce paysage lunaire et incongru au cœur de la forêt, dans un repli non loin de la route de la voie des chutes, un vieil immeuble austère rongé par la végétation, dont la nef s'érige haut dans le ciel flambé. Une nef qui a connu des jours meilleurs. De la pierre qui jure avec la végétation exubérante au dehors. Mais chaud des hommes la minéralité qui sont attablés au bout du transel dans la vieille église reconverti. Tous ces mots qui si on sert à même la table une soupe épaisse. Réconforte le ventre des voyageurs, qui leur dispense la les forces que le bois leur a volé. C'est la porte. Les convives sont assis sur les hautes sièges qui meublaient le lieu autrefois pour d'autres usages. Pour accompagner la soupe épaisse, les tubercules rouges sont disposés sur la table pour que chacun se serve, chacun puisse reprendre des forces. Ils ont été mitonnés avec amour par la cuisinière. Mais en fait, de convives, il n'y a guère que les gamins épuisés par la route. Et un errant, lui aussi les forces l'ont déserté, les yeux mi-clos par la fatigue, tout aussi paraissant tout aussi épuisé que son vieux cornio qui l'accompagne, un chien tout galeux qui a grogné, gémi à l'approche du compagnon poilu de Léo. Mange, petit. T'as besoin de manger. C'est important de reprendre tes forces, là. Hein? La route est peu sûre. Où que tu ailles, le bois étend ses ombres. Serait bon que tu te requinques. Albert semble absent, il a l'air préoccupé. Ils sont environnés par d'autres convives. La petite bande qui doit voyager dans les camions que vous avez vus au dehors. Ils sont tous revêtus de vêtements gris rapiécés qui furent autrefois des uniformes. Porte des bottes cou- couvert de boue et de poussière, et de vieux casques dont la garniture avachie pèle par endroits. Vous n'avez pas eu vraiment envie de vous asseoir à leur côté car ils sont massifs. De grosses brutes, des ogres prussiques. Leurs casques sont alignés devant leur soupe. Seule la pointe de leur casque qui brille par la lumière qui poudroie au travers des vitraux. Ne semble pas avoir subi les outrages du temps. Ils parlent peu et dans une langue qui ne vous est pas immédiatement compréhensible, une espèce de langue primale putride qui vient de loin à l'est. Des Prussiens. Albert ? Albert ? Albert ? Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux ? T'aimes bien les turbercules, toi ? Les turbercules ? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, je préfère quand c'est frit. Et là, c'est cuit dans votre... C'est trop quoi, là ? J'aime pas. Il a raison, monsieur, il faut manger, hein. Petite, t'aimes bien les tubercules ? J'ai pas le choix d'en manger. Des tubercules ? Celui qui pousse là sur ton crâne ? Mais y'en a pas qui pousse sur mon crâne ! Bah si, là. Tiens, regarde, un tout petit tubercule qui vient de pousser dans tes cheveux. Mais c'est pas un tubercule ! Bah si ! Mais non, je te dis non, c'est pas un tubercule ! Bah, mais t'as vu que quand t'as séjourné dans le ventre du Vorgne, bah, il a semé ses graines, hein. Alors, à mon avis, mon bon copain, il faudrait un bon baquet d'eau. De quoi tu parles ? J'ai jamais été dans le ventre du Vorgne. Bien frotté derrière l'oreille. De quoi tu parles ? J'ai jamais été dans le ventre du Vorgne. Bah si, hein. Bah non. Bah non, je vous prenais presque pas. Ah, presque pas, mais moi, je te dis, t'as peut-être oublié, mais moi, j'ai pas oublié qu'il t'avait bouffé. N'importe quoi. Un peu, hein. N'importe quoi. C'est pas moi. C'est Léonard qui est parti. C'est pas moi. Oh, toi ou Léonard, c'est Kif Kif Bourricot. T'es casse-pied. Por favor. Por favor. Silencio, por favor. Esmera. Ouais, ouais. Para comer. Ouais, ouais. C'est bon, c'était... Le vieux bonhomme aux yeux fatigués s'est redressé. Silencio, para comer. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? C'est pas du prussien. Ah non, c'est pas du prussien. C'est de l'espingouin. Il demande comment tu t'appelles. Il dit qu'il s'appelle pas Léonard. Alors on va dire pas Léonard, hein. Non. Je m'appelle Léola. Léola Me. Léola Me. Léola Me. Léolam. Léolam. Léolam Me. Léolam. Léolam. Mais là, c'est un autre. Léonard. Non, c'est un autre. C'est son ami. Et mon frère jumeau, Léo. Nar. Ça va encore. Albert, tu peux nous traduire? Il dit que t'es dingo. Bah non. Il y a mon frère jumeau qui est là. Et il y a moi là. Oh. Et il pilote pas la loco, c'est moi. C'est moi le chef de la loco. Elle, c'est grande petite. Et lui là-bas, c'est Zinobert. Autrement dit, Barnabé. Hein. Ah, et mais tu vas arrêter avec ton Barnabé. Là, ça fait depuis le début du voyage que tu nous barbes avec ton Barnabé. Oui, Barnabé. Alors. Mais tu ne fais plus jamais ça. Hein. Ça, c'est vraiment de l'hérésie. Hein, ce signe. Ça mérite. Je ne sais pas, la pendaison peut-être. Bref. On en revient. Il perd. Il perd les raisons. C'est Zinober. Ich heiße Zinober. Oh. Meilleur mot. Rolio. Rolio. C'est chelou comme nom. C'est hyper chelou ce nom. Non, est chelou. Est pingouin, comme il dit. C'est pas Julio. Rolio. Mais il y a ma Rolio. Il a dit qu'il s'appelait Jules. Et après? Bah qu'il faut bien manger. Mais où as-tu appris les pingouins? Ah, sorry au catalan. Ah, en Catalogne. Si, si. Oui, oui. Respire, respire, respire. Espagnol pour les nuls. Qu'est-ce qui est espagnol pour les nuls? Dénommé Rolio, s'essuie dans sa vieille gabardine toute élimée. Il y a encore des traces de soupe. Sur son chandail, ses manches et dans ses cheveux ébouriffés, se redresse. Ah, avec l'eau d'Adjilaya. Il s'éloigne. Non. J'ai toujours pas réussi à parler le machin truc là. J'entendais un bruit de voix à l'entrée de. L'espingouin. Du monastère. Et. Adios, amigo. Si, si, adios. Waouh, t'es trop bien. Oui, oui, adieu. Adios, muchachos et muchachas. Adieu les petits et les petits. Non. Si, je crois que c'est les petits et les petites, non. J'ai bon sur la traduction ou... C'est pas, hein, c'est qu'on n'est pas tous les tous les mots de pingouin. Hein. De pingouin. On dirait qu'on parle d'un animal. Les garçons, les filles. Les garçons, les filles. J'étais pas loin. Ouais, bon. Maintenant, on s'en va. C'est bon, on a mangé les... C'est pas... C'est pas... Ce qu'il a dit, c'est... C'est pas fidèle. C'est pas la langue du pingouin telle qu'on la parle. Hein. Donc, entre... Bah, moi, je suis toujours en train de cracher les groupes de tubercules. De punk à chien famélique. Ils sont 5, tout maigres. Pourquoi punk à chien et pas punk à chat, hein? Punk à chat. Portent de longs par-dessus noirs. Ailes de corax. Des sorcières aux pieds. Toutes cabossées, toutes sales. Ils avancent lentement et la première d'entre eux a la crête conquérante écarte d'un geste vif son manteau, les pans de son manteau, et sort un fléau. Il est temps de payer vos péchés. Et, boum, elle abat son fléau sur le premier convive à portée de main. Il fracasse le crâne dans le même geste. Tu vois, Albert, ça c'est des pots pour. C'est ton humeur. Si tu ne crois pas suffisamment correctement, tu finiras comme eux. Il faut expier vos péchés. Et les autres approchent et ils ont ceinturé la table, le bout de la table où étaient attablés les hommes prussiques. Déjà 4 sont au tapis, leur cervelle répandue au sol ou le crâne fracassé sur la table. Maintenant, il faut fuir. Il ne faut pas les laisser les approcher. L'un des punks à chien bondit sur la table, abat son fléau. Renardo, vite, sauve-toi! Il slalome et tu le vois disparaître dans l'ombre des. Et Renardo! Des alors, juste au niveau de mon apparence, moi je suis le même. Enfin, globalement, j'ai le même habillage que le personnage là. Donc, très très daté. Je vois pas de personnage. J'arrive pas tellement à le visualiser. On vient de mieux là. Ah ouais. Et je sors ma monolame. Moi je dis. Je m'exprime, si je sais que c'est vain, que je crois aussi en l'humeur. Mais je le dis en la vieille langue. Ich glaube in die Humor. Tout en commençant à me reculer. T'as sorti ta monolame et tu veux affronter les 5 expiacistes. Et quand je les vois un peu plus grands que moi, je fais. Ouais. Qui sont en train de réduire en bouillie la demi-douzaine de gros prussiques qui étaient attablés à la table. Bon courage. Et je dis pourquoi vous débarquez comme ça et vous nous attaquez. Et j'esquive. Ah, mais je vous pose une question, pourriez-vous m'y répondre? J'esquive aussi. Non, tu peux pas esquiver et parler en même temps. Et... c'est soit tu combats et tu te tais et t'arrives à réagir, soit tu parles. Bah j'esquive et je parle. Tu restes à la table? Moi, tu continues de manger. Non mais moi tout va bien, hein, y a personne. Hein. Moi j'ai piqué d'autres nourritures qui étaient sur la table. Attention. Alors monsieur super héros, tu discutes, tu combats et tu manges en même temps. Non, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Attention, j'ai un tumeur. En fait, t'es comme le monsieur là du début qui mange son poulet. Seconde force et je plus sérieusement Sion, viens okay. Ils ne sont pas bons à fréquenter les pourpres, viens ouais. Et j'essaye de défendre parce que en fait alors je précise en méta RP donc je me base mon perso plutôt se base sur le Farben Kugel Sieben Luchthofen Zwölftonnen, qui est un truc du Bauhaus, où ça figure les couleurs d'une manière assez scientifique. Le principe, c'est que je me suis inspiré d'Hippocrate et sa classification des humeurs en médecine pour le mettre. Une humeur égale une manière de réagir, etc. En fait, c'est globalement. Ça représente les caractères en fait que tu peux avoir. Par exemple, imagine, bon, je les ai pas tous définis et justement le jeu les définit plus que moi je ne les définis moi-même. Mais par exemple, quelqu'un de qui va plus tendre vers les bleus, c'est quelqu'un. Le bleu, c'est quelqu'un qui va plutôt être quiet que, enfin, qui va être tranquille. Alors que, par exemple, quelqu'un de pourpre, c'est quelqu'un de vraiment très agité, très... enfin, Xavier, quoi. Alors que... voilà. Et donc, le fait est que je te dis, ce caractère, faut pas que tu le fréquentes, parce que on connaît les pourpres, mais après, c'est un discours pseudo-religieux, donc... après, voilà, je vais l'expliquer un peu, parce que ça a pas l'air clair. Voilà. Donc, qu'envisagez-vous? Moi, je... Comment pouvons-nous échapper à la fureur des expiacistes? En or. Pour moi, la fuite est la seule méthode. Comment fuir puisqu'ils sont entrés par la porte du cloître et qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a pas une fenêtre ou... Il y a les vitraux. On casse les vitraux. Moi j'arrive à tenir de l'homme. Très bien, Xavier, c'est une très bonne idée. Tu recules. Non mais déjà, je saute sur la tête de quelqu'un comme ça. La personne attire son truc et boum. Alors, et moi, je t'as beau être un enfant, Xavier, mais une tête, ça peut pas supporter le corps d'une personne. Je saute sur les épaules plutôt. À part si t'es ultra musclé. Ils sont plutôt musclés. Musclé de la tête, ouais, faut être. Tape là, les. Alors, non, pas du tout. J'ai dit qu'ils étaient tout maigres et faminiques, qu'ils étaient grands et maigres. Ceux qui étaient costauds sont en train de se faire réduire en bouillie par les. C'est les Prussiens, et en plus, les Prussiens. Les Prussiens sont à l'autre bout, mais papa a précisé qu'il y avait des casques à pointe, donc il suffit que tu sois pas très grand, et que le casque soit grand, pour que au-dessus, à peu près au niveau de l'entrejambe, il y a un gros pic. Quand même, casque à pointe, il est comme ça, donc tu risques pas grand-chose. Plus d'enfants. Donc, qu'est-ce que... Bah, je fonce sur la vitre. Envisageons. Je recule un peu, je fonce sur la vitre avec ma monolame. D'accord. Donc, il ouvre la voie, est-ce qu'on le suit comme un seul homme? Oui, en revanche, je pense qu'il y a sûrement d'autres... il y a sûrement d'autres... expiatistes qui attendent derrière ou qui encerclent le bâtiment. Donc, je pense pas qu'on soit tiré d'affaire rien qu'en sortant du bâtiment. Mais déjà, on s'est un peu... Ben, le but, oui, c'est de courir un moindre danger. Et du coup, bah, voilà. Nous entendons une fois franchi, donc tu bondis. Qu'est-ce qui pourrait nous advenir en franchissant le vitrail? Gabriel vient d'évoquer que nous pourrions trouver des expiatistes au dehors qui nous attendent bien décidés à nous faire rendre l'âme à qui elle appartient. Qu'est-ce qui pourrait advenir d'autre? On pourrait perdre des plumes dans l'affaire. Donc, je propose qu'on fasse la mise de ce que nous avons. Donc, bah, moi, j'avais piqué un tubercule, hein. Alors, Ouais, mais ça t'apporte rien dans l'affaire. Moi, à part j'ai peur des tubercules. Moi, je suis désireux de rejoindre le trike. Ils sont allergiques. Qui nous permettrait de nous enfuir. J'ai pour affermir mon propos la photo de mon Poppy qui n'était pas un pleutre mais qui savait fuir et j'ai également ma connaissance du chemin qui est issu de ce que nous avons vécu autour de la pibe. Donc la certitude que nous apportons et nous remplissons la mission pour l'Ankar. Donc j'apporte trois feuilles. Qui a des feuilles à miser? Moi. Ta monolame. Ma lampe torche défectueuse et tout. Qui pourrait nous aider un peu à voir. Bah non, on est en plein jour, donc ça sert à rien. Ah. Okay. Alors, mon sac de provisions. Je vois pas en quoi il est pertinent. Il peut me protéger, par exemple, de certains coups. Ouais, admettons. disons que ça pourra freiner l'ardeur des expiatistes. Mais c'est quoi des flots, des fléaux? C'est ce qui sert à battre le blé. C'est une masse d'armes. Ah! Ensuite, Zinover, qu'as-tu? Moi, j'ai rien sur moi à part le... Mais pour ta fuite, qu'est-ce qui pourra te... C'est tes convictions? Oui, mes convictions, et puis le code. Donc, j'ai deux cartes. Enfin, il y a le code qui est aussi, en soi, c'est le prolongement de ma conviction, parce que toi, c'est... Toi, petite? Moi, pas grand-chose, hein. Bah, montre, je vais voir ce que tu peux miser. Une bougie, une pelote de laine. Une bougie. La pelote de laine, c'est ce qui nous unit et ce qui permet de garder la vie. Mmh. Et la bougie. La bougie a rien du tout, là. Attends, j'ai une argumentation. Vas-y. La bougie représente la lumière. La lumière vacillante face aux ténèbres. Donc, message d'espoir. Bah, elle peut aussi la jeter sur ses ennemis, hein. Attention, j'ai une bougie. non, parce qu'elle risque de Donc, comment de on a s'arrêter. Fait cette bougie? C'est la. Elle peut brûler. L'ardeur des hommes à combattre les ténèbres, ok. Après, moi, j'ai autre chose. Mon renard polaire, il pourrait venir. Non, ton renard polaire, tu l'as enjoint à fuir et carapaté dans. Et l'ombre du cloître. Mais non, après, il peut revenir, hein. Il est la télépathie. Le mollet d'un des... Du coup, je le mise aussi. Ok, donc on est à 10. T'as encore quelque chose, Alexandre? Non. Xavier? 10. et le dévin. Ah, c'est joli. Et c'est toi qui mène l'action, c'est toi qui ouvre. Vas-y, lance. Ah oui, mon tubercule. Non. Bah si, parce qu'ils peuvent avoir peur du tubercule, bah, ils peuvent être allergiques. Bah, non, Xavier, il faut avoir une argumentation plus poussée que... Je peux leur balancer dessus. Non. Mais c'est pas... Ils peuvent être allergiques. Leur faire grand-chose. Ils sont tout mous, ils viennent d'être cuits, j'ai dit qu'ils avaient été cuits à l'eau. Ah. Non. On a déjà fini la partie. S'il vous plaît. Please. Donc... On est mort. 20. Tu veux dire... Mais aussi, ça fait ça. Donc, mais ça veut dire qu'on va pleurer nos feuilles. Quoi? Ça veut dire qu'on doit pleurer toutes nos feuilles. Il nous reste Sauf le tubercule. Sauf le tubercule. Il nous reste. Il va perdre sa lame, son renard. Mais toi, t'as rien misé, en fait... papa. Si. J'ai misé. Moi, je m'en fiche de ce que j'ai misé personnellement. La photo de mon popi. Oh non, à part la ficelle. Le trike. Adieu la ficelle. Hein. J'en ai une autre. Moi, il me reste plus que mon cacajou sous le bras. J'ai plus d'attache. Moi, j'ai donc ton poème. J'ai toujours mon pot, mon poème, ma photo. Non. Ah, mais j'aurais dû mettre mon poème. Et toi, il te reste ton poème et. Mon tubercule. Ça, c'est. Ton tubercule. Ouais. Mon poème, c'est en fait. Ton nouvel épée. Il a perdu son épée, il est dégoûté. Mais je pourrais peut-être récupérer mon renard. Hein. Mais pourquoi tu retires mon tubercule? Pauvre tubercule. Bah parce que tu me l'as tendu. Quelle idée de tendre son tubercule. Hop, voilà. C'est un peu bizarre de dire ça. Et l'autre, à la limite, plutôt que de faire une feuille... Je le mets entre les deux comme ça. C'est-à-dire que j'ai perdu ma foi, yes. Jouer un prédicateur qui a perdu la foi, yeah. Ouais, on s'est déprimé. Déprimé. Bon courage. Donc. Moi, j'ai rien perdu personnellement, juste une bougie. Après cette pause de métageux, une fois que nous avons convenu de du sens de la résolution, je vais entamer puisque alors je vais évoquer moi ce que j'ai perdu et ça vous donnera des pistes, je pense, pour envisager ce qu'il en est de vous. Donc je rappelle que je perds entre guillemets notre trike, le notre moyen de locomotion qui nous a mené jusqu'à cette auberge de Marly Gaumont. Dans le sillage de Léo qui a fracassé l'un des vitrails, avec peine je me hisse sur ses épaules, tandis que les fous continuent de massacrer sans qu'ils réagissent très très étrangement les Prussiens qui tombent les uns après les autres dans un effroyable bruit d'eau brisée de râles de bruit de viscères et de cervelle qui se répandent sur la table, sur le sol, et qui donnent au lieu un caractère funèbre. Je me hisse donc sur les épaules de Léo. Je bondis au travers du vitrail qu'il a brisé à sa base, pour rouler au bas de la pente. Là, je ne trouve pas les expiacis que redoutait mon ami. Mais en revanche, point de trike, il a disparu. On n'a qu'un le vieux pick-up tout rouillé que nous avions aperçu. Et un petit monsieur qui s'évertue à le démarrer. Ils m'enjoint à pousser, ce que je fais alors que vous me rejoignez. Vous me rejoignez les uns et les autres et nous grimpons après avoir poussé avec peine le pick-up. Nous nous hissons à son bord et celui-ci démarre K1K en pédaradant encore plus que notre vieille pétrolette. Nous sommes tous à l'arrière du véhicule, essoufflés, poursuivis un temps durant par les plus hardis des expiacistes qui brandissent leur fléau couvert de sang. Dans la précipitation, tu as laissé ton sac, ton précieux sac qui serrait nos provisions pour la route, pour rejoindre la ville, pour rejoindre Little O, et nous sommes à l'arrière du pick-up qui s'éloigne dans l'ombre des arbres, prisonnier du chemin que voudra bien suivre le vieil homme. Et le jeune renard qui était venu à notre escousse, il avait essayé de mordre le mollet d'un des hommes, mais l'homme l'a poussé avec un grand coup et il s'est pris une des masses, enfin un des fléaux. Il lui a fracassé le crâne. Mmh. Et ton ami a disparu ainsi. Mais il n'est pas tout à fait, il n'a pas tout à fait disparu puisqu'il est encore en ton cœur. Oui. Et ma monolame, T'as dû l'égarer dans la précipitation. Non. Il y avait quelqu'un qui allait me taper. J'ai pris ma monolame. J'ai essayé de contrer, mais elle s'est cassée. C'est brisé. Enfin, la bille est tombée. Il y avait plus de courant. Du coup, je l'ai laissé tomber. Et la lampe, je l'ai fait tomber dans la précipitation. Et elle s'est fait écraser par par les fous. D'accord. Gabriel, t'as quelque chose à dire juste pour Zinobert? Mais c'est juste que je cherche une citation. Quoi? C'est juste que je cherchais une citation. De la nuit. Une louve que sa maigreur faisait sembler manquer de tout aux dépens de bien des victimes, fit naître en moi un grand effroi. À peine l'avais-je aperçu que je perdis l'espoir de vaincre, et comme qui voudrait gagner, quand sonne l'heure où il va perdre, ce qui l'emplit de pleurs amères. La bête ainsi me désempare, et à mesure qu'elle approche, me repousse vers le levant. Merci. Et c'est-à-dire que Ginobert était déserté par sa foi des couleurs. Je comptais reprendre son... Enfin, désolé, j'ai... Non, dans la frénésie qui prenait ces gens-là, qui abattaient un à un les Prussiens, même un croyant se faisait massacrer par un autre croyant. Ainsi, Zinnober reçut pour sa foi un large coup de fléau. Et s'il sortit, ce n'est pas sans avoir beaucoup perdu. De ce coup, il en a conçu toutes les événements. Il en a vécu, il a vécu là la désillusion la plus parfaite. Il se croyait vainqueur et il voit qu'il s'est trompé. Le Zinnober, le rêveur brun, le rêveur vermeil, il est bien las maintenant. Il est bien inquiet et son humeur a changé, bien qu'il n'y croit plus. Le pick-up s'est éloigné et que le carrefour de Marly-Gaumont n'est plus qu'un méchant souvenir, une plaie béante qui oblitère ce qui faisait de nous des gamins. Albert se redresse. Où il est, boule d'or? On a oublié boule d'or. C'est pas vrai. T'as pu ta plotte? Non. Et il était au bout de la plotte. Monsieur, il faut s'arrêter. Je tambourine à la vitre arrière du pick-up qui est à moitié défoncé. J'enfonce à demi la grille et... Le vieil homme s'arrête, décélère d'abord, mais sur mon insistance, il finit par s'arrêter. Nous subissons tous le contre-coup de l'arrêt en pleine course du véhicule. Et je saute à bas de la plateforme et je cours en sens inverse vers le monastère. Il faut retrouver Boule d'or, venez! Je me joins à lui. Pardon? Je me joins à lui. Enfin, je me joins à... Moi, je joue en... Et je suis toujours triste. Je le suis en regardant mes pieds. Tu retournes chercher... Oui. Boule d'or. On retrouve bientôt. Il a marché. On a couru longuement, mais il a marché lui aussi. Son toupet de cheveux est tout ébouriffé. Il a de grands yeux tristes. Des larmes ont coulé et ont marqué son visage, dessiné des sillons sur ses joues, sur la crasse accumulée à marcher ainsi sur la route, sur la voie déchue. Il pousse un vieux caddie tout brinque-ballant à trois roues, dans lequel il a mis la dépouille de ton renard. Et je repars vers le pick-up. Vous repartez avec le caddie, le renard. Mais tu m'abandonneras plus. Non. Je ne t'abandonnerai plus. C'est juré. Juré. Je propose une ellipse. Nous remontons à bord du pick-up. Le pick-up reprend sa route, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas où nous allons parce que celui qui connaissait le chemin, c'était Albert. Et Albert, il ne fait que repenser à tous ces Prussiens dont le crâne s'est répandu et s'est mêlé à la soupe. Dans les grandes écuelles creusées à même l'autel et du monastère. Léo ou Léolam regarde par la fenêtre, ne parle plus depuis plusieurs heures. Il reste quoi? Il n'y a pas vraiment de fenêtre. Enfin, il regarde. Tu peux l'imaginer. Si tu imagines la fenêtre, c'est que tu penses à autre chose. Alors, peut-être que tu penses à un autre temps. Peut-être que tu penses au temps où nous étions à l'abri derrière une fenêtre, où nous étions non, il regarde, des enfants. Enfin, il regarde par ce qui était... Jusqu'à ce que nous arrivions devant cet édifice immense qui émerge au milieu du bois. Je regarde. Un immeuble de verre, d'acier et de pierre qui défie le temps avec des couleurs magnifiques. Mais un immeuble qui nous est en même temps familier. Un immeuble dont nous nous sommes échappés.